That's my crew. I need to build for my daddy cheat when I do the soul as we make for our food. Qui peut sauver sa peau si t'es pas costaud, dit que tu passes de l'autre que une boîte. Pèse-toi toujours par les coups dans ton ghetto. Protège bien ta vie, Joe. Car ici les gosses sont baïonnés, les vieux sont méprisés. Nos droits sont bafoués, nos libertés sont violées. Les dodis sont vidés, les jeunes tous emprisonnés. Babylone veut nous exterminer. Au pied, tu mets dur comme l'acier. Les gosses en ont assez. Ben pas la force, reste sourire comme Alessi Lassé. Avec l'espoir qu'un jour il dort. Assassin, et que Babylone soit chassé. Jobless, pour tous les enfants du ghetto. Jobless, de Chicago à Soweto. Jobless, jobless my life. Jobless, pour qu'un jour ça aille mieux. Jobless, pour tous les enfants du ghetto. Jobless, le Thomas en Bamako. Jobless, jobless my life. Jobless, pour qu'un jour ça aille mieux. No job, did it post, did it mark love them go. Playing this damn full time in this land, and you can do remaking them, yeah. Stay hold like the you, them a live in fear, them a live a kind of nightmare. Say love them a grind your gang at the side, just wanna keep your pride. My lens is everywhere. Hold like the you, them a live in fear, them a live a kind of nightmare. Love them again, you can't decide. Just wanna keep your pride. Violence is everywhere. Jobless, pour tous les enfants du ghetto. Jobless, de Chicago à Soweto. Jobless, jobless my life. Jobless, pour qu'un jour ça va mieux. Jobless, pour tous les enfants du ghetto. Jobless, le Thomas en Bamako. Jobless, jobless my life. Maintenant les youths se tuent entre tout ça pour du cash. Ils vont même plus à l'école, ils te disent je veux du cash. Tous les moyens seront bons, tu voles à la rage. Pour les plus féroces d'entre eux, ça monte au braquage. C'est de partout comme ça la jeunesse fâche. Ni argent ni travail, le problème s'aggrave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi-même ça me fâche. Mais je n'ai pas le pouvoir d'enterrer la hache. Jobless, pour tous les enfants du ghetto. Jobless, de Chicago à Soweto. Jobless, jobless my life. Jobless, pour qu'un jour ça aille mieux. Jobless, pour tous les enfants du ghetto. Jobless, de Thomas O. à Bamako. Jobless, jobless my life.